الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونواصل في كتاب النكاح من دور البهية بشرح الشيخ علي بن مختار الرملي المسمى بفضل رب البرية بشرح دور البهية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans notre deuxième cours, dans le chapitre du mariage, dans le livre « Les belles perles » de l'imam Shawkani, expliqué par notre cheikh Ali ibn Mukhtar al-Rumi. Allah le préserve. Alors, dans notre cours précédent, nous avons vu le sens de An-Nikah. An-Nikah, et nous avons dit que An-Nikah est min asma'i al-mushtarak. Les mots qui ont plusieurs sens. Alors, qui va me donner les différents sens que nous avons donné du Nikah? Naam, parfait. Al-Aqdu, qui veut dire quoi? Le contrat. Al-Jima. Al-Jima, qui veut dire quoi? Le poète. Voilà les deux sens que nous avons donnés au sujet du mot Nika. Et nous avons dit que c'est selon sa position ou bien le contexte dans une phrase que nous donnons le sens du mot Nika. Mais c'est un mot qui a plusieurs sens. Ok? Masalan, si quelqu'un dit Nakahtu Zawjati. Nakahtu Zawjati. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, il s'est accouplé, il avait le coït avec son épouse. Ça va? Mais si quelqu'un dit Nakahtu Mar'atan. Nakahtu Mar'atan. Non? J'ai épousé une femme. Ça va? J'ai marié une femme. Ça va? Donc ici, c'est selon le contexte, n'est-ce pas? Dans la phrase. Mais il faut savoir que les deux sens viennent dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. طيب تنكح المرأة للأربع. Ça veut dire quoi? On marie une femme pour quatre choses. طيب. Et aussi dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, افعلوا كل شيء إلا النكاح. Faites tout pendant le coït, c'est-à-dire pendant les rapports sauf le nikah, c'est-à-dire sauf le coït. Donc ici, quel est le jugement du mariage? Le mariage, c'est une obligation? C'est recommandé? Ou bien c'est seulement permis? Non? Plutôt le terme « mashrou ». Maintenant, le terme « mashrou », c'est dans quel sens? Car le cheikh, il a dit المشروعية الذي استفدناها قد يراد بها الواجب والمستحب أو المباح. Ça peut prendre le sens des trois. المشروع. Obligation. Recommandé. Et quoi? Autorisé. Ok. Donc, quel est le jugement du Nika? C'est mustahab, selon ce que le cheikh a dit ici. Selon la personne. Oui. Et c'est obligatoire sur certaines personnes. Donc, yani, bidouni zawaj, sans le mariage, ils vont tomber dans la fitna. Ça va? Et maintenant, c'est même makruh, détestable pour certaines personnes. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit. Ensuite, quel masala nous avons vu après cela? Tabattul. Mamana tabattul. Tabattul. Oui, se couper du mariage pour l'adoration. Malakulna, qu'est-ce qu'on a dit? Qui d'autre? Saïd? Haramun. C'est interdit. Mais Aïd Ali, quelle est la preuve qui montre que c'est interdit? Non? Les trois personnes qui sont venues chez le messager d'Allah sur la salle. Le hadith est rapporté par qui? Non. Quel rapporteur? Muslim et Bukhari. Retenez les preuves avec les sources. C'est très important. Taïb. Non. Donc ici, le tabac tour n'est pas permis. C'est-à-dire se couper du mariage pour adorer Allah. Et l'adoration rentre dans cela le talabulaïm, l'étude de la science. C'est-à-dire se couper du mariage et dire je ne me marie plus parce que je dois étudier la science et je dois devenir un savant. Adam Ayus. Voyez, ce n'est pas permis. Sauf, et c'est ce sauf qu'on va voir ici. Nam Touridou, Antapou Lachia. Voyez. قال المؤلف رحمه الله إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. Ici maintenant il dit sauf pour l'incapacité de faire ce qui est obligatoire dans les zawaj. Ça va? فتبتل غير جائز. Se couper du mariage n'est pas permis. إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه في النكاح. Sauf celui qui est incapable de faire ce qui est impératif dans le mariage. فَلَهُ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنِ النِّكَاحِ. Donc celui-là, il peut se couper du mariage. Qui peut me donner un exemple? Celui qui ne veut pas faire ce qui est obligatoire dans le nikah. Misal Zalik. Non? Celui qui est impuissant. Impuissant. On peut soigner ou on ne peut pas soigner? On ne peut pas soigner. C'est bien de préciser. Non. D'autres, c'est lui qui ne peut pas s'occuper d'une femme. Oui. Lui aussi, il rentre dans cela. Quand il y a un rajoul, comme par exemple l'homme, ghayru qadirin ala jima'in nisa. Il est incapable de faire le coït avec les femmes. Parce qu'il est impuissant. Ou غير قادر, ou bien il est incapable à la tahammuli de supporter mas'ouliyatil bayt, la responsabilité de la maison. Wa ma yuhtaju ilayhi min nafaqa. C'est dont on a besoin comme dépense Wariaya est comme soin, contrôle, autorité. Pareil, il y a d'autres questions. طيب لما ثبت للمرأة والأولاد من حقوق في الإسلام واجبة لهم على الزوج. Mais ce qui est venu authentique, montrant ici que c'est un droit que l'homme doit accomplir vis-à-vis de son épouse et de ses enfants dans la charia, s'il peut en yakoum abidalik, il peut prendre soin de cela, alors il fallait vous avouer. Mais s'il ne peut pas, alors il ne doit pas se marier. Faman lam yakoun qadiran, celui qui n'est pas capable, ala ita'amihim, ita'ihim hukukahum, celui qui n'est pas capable de leur donner leurs droits, والقيام بواجبهم et se dresser à accomplir leur obligation, فلا يتزوج, ils ne se marient pas. Ici il faut comprendre que le mariage c'est une responsabilité masoumiya, une responsabilité à la raqabati rajul, sur le cou de l'homme. Ce n'est pas une question de je veux. Et ensuite, tu ne veux pas t'occuper du droit. Voilà pourquoi celui qui n'est pas marié avec celui qui est marié ne sont pas pareils. Le célibataire n'a aucune responsabilité sur son compte. Il est responsable de lui-même. Alors que le marié, il est responsable d'une femme et de ses enfants. Laysu sawa, ils ne sont pas pareils. Il faut comprendre cela. Alors celui qui n'est pas capable de faire face à cette responsabilité, voilà, il est un qui ne se marie pas. Et le chef dit, ah, c'est une fouminanas. Cette catégorie de personnes, aliaou, aujourd'hui, kaziroun wa kaziroun jiddan, ils sont très nombreux. Il marie les femmes et ne s'occupe pas des femmes. Il ne les nourrit pas. Il ne s'occupe pas. Il y a d'autres coutumes. Allahumma musta'an. Quand l'homme il marie la femme, tout ce qu'il a fait avec la femme, c'est que la femme vient passer la nuit chez lui. Mais tout le reste de la journée, la femme passe chez sa famille. Et d'où n'est-ce qu'à l'oufmino. Mais très à l'aise. Fait rien. Hein? As-salallahu alayhi wa sallam. Le chef de Al-Assin Fouminan Nas. Al-Yaoum, Kaziru, Wakaziru, Jiddan, ils sont très nombreux. Fa'innahum yatazawadun, ils se marient. Et d'autres, je dis Allahu Musta'an. Ils se marient, mais c'est sur la femme, ils comptent sur la nafaqa. Ils comptent sur la femme. La femme, soit pour aller travailler, et lui, il est à la maison. Vous verrez beaucoup de femmes à Djamé. Les hommes sont en train de jouer dame au quartier. Elle est vidéo. Ils sont dans les grains. La femme sort le matin et rentre le soir. Elle a la radio. La foule, elle dit Mara. C'est une femme. Puisqu'il y a changement de rôle ici. La femme sort le matin, elle rentre le soir. Monsieur, lui, il est à la maison. Il sort pas. Et c'est la femme qui s'occupe de la maison. Donc voilà pourquoi il n'a aucune autorité. Rien. Souvent tu trouves certaines de ces femmes qui étaient à Djamé à 23h ou bien minuit pour rentrer à la maison. Est-ce qu'il peut parler? Laisse-t-il. S'il parle, on va lui demander qui paye la maison. Je vais dire c'est toi. Qui paye le courant? Qui envoie les enfants à l'école? C'est toi. Ton rôle maintenant, c'est quoi? Allahu Musta'an. Wa hum laysu ahlan liz-zawaj. Ils ne sont pas aptes à se marier. بل ويطالب الرجل يطالب الرجل زوجته بحقوقه اردو ويقولوا لزوم كي ديمان على زيبوس دي ريسبكتي لو تروا دي ريسبكتي تي سابا كي سي تون ايبو تي دو بارلي او بيسيو دو مو تي دو كريير سو مو تي دو موبي انا سو تان سي لا فام كي باي كوران اي باي لو. Et elle envoie les enfants à l'école. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, il dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, iktafa bihadha. Est-ce qu'il s'est limité à cela? Les hommes ont autorité sur les femmes. C'est-à-dire bima faddala Allah ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Et à cause de ce qu'ils dépensent. Quand il va vers une femme, qui donne d'autre? C'est la femme qui donne, mais c'est toi. Hein? C'est la femme qui donne la dot. Combien c'est l'homme? C'est l'homme qui donne la dot. Et aujourd'hui, Allah Moustaan. Tous les gens qui cherchent des femmes qui ont l'argent aujourd'hui. Les imams même. Et vous savez, ils appellent cela comment? Que ils sont en train de chercher une Khadija. Qui t'a dit que Khadija était comme ça avec le professeur Hassan? Hein? Khadija radiallahu ta'ala anha, elle avait de l'argent, certes, mais le professeur Hassan était l'homme de la femme. Mais quant à toi, la Khadija que toi tu cherches doit être un homme et puis toi tu seras une femme. Parce que tu veux qu'elle dépense une fois. N'est-ce pas? Ça va nous plaisir. C'est une réalité aujourd'hui. Voilà pourquoi le cheikh dit, il demande à ce qu'on lui donne, lui, c'est, on respecte lui ses droits. Ça va? C'est-à-dire, même si la femme va travailler, qu'elle vient, elle n'a pas le droit de dire, je suis fatigué. Elle doit quand même l'autoriser à la toucher un peu quand même. Si la femme refuse, Yoki Moudounia, il va s'élever, il va le voir l'imam pour dire à l'imam que ma femme me refuse au lit. Mais il ne dit pas le reste. C'est qu'il soit pour aller travailler le matin et puis elle revient le soir. Est-ce que tu as respecté ce droit? Tu n'as pas respecté le droit du fait de t'occuper de ta famille. Donc tu ne dois pas demander ça. Qu'Allah nous préserve. Mais voilà, il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire. Mais il ne veut pas donner le droit, c'est-à-dire lui demande pour lui, mais lui ne veut pas donner le droit de la femme et le droit de ses enfants. Mais la hada, Adam Zawadi, Khayrun Lahu, et Anne, Yurakum ala nafsihi, Yurakum ala nafsihi, la Adam wa Zunoub, wa l'hukuk al-Kathir. Il dit celui-là, le fait qu'il ne se marie pas, c'est mieux pour lui qu'il s'encapare sur lui-même des péchés et les droits des autres. Parce que le fait de ne pas respecter le droit de tes enfants, masalan, c'est un péché. Et le jour de Yom Kiyama, tes enfants vont te réclamer ces droits. Ça, c'est des droits. C'est comme des dettes. À la raqabati, si ton cou, là qu'il n'a rien, il ne réfléchit pas. إنما ينظرون إلى بروجهم فقط. C'est-à-dire leur sexe, leur envie sexuelle, c'est tout. Il marie une femme, pourquoi? Il dit non. Parce que lui, il aime beaucoup les femmes, il aime beaucoup être avec les femmes. Mais les hukou qui sont à côté, est-ce que tu peux respecter mon frère? Voici la réalité. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullah. إلي وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. إلي convient ce que la femme soit une femme, c'est la femme que tu vas épouser, soit une femme Wadoud, affectueuse, attentionnée, al-muhabbiba, c'est elle-même qui attire l'affection vers elle. Par exemple, la femme qui est, elle est douce, elle envoie son époux, elle sourit, elle parle bien, sa voix attire. Donc, ces gens de femmes, souvent quand tu la regardes, tu ris seul. Hein? Al-Wadoud, elle doit être Wadoud. Wadoud, c'est-à-dire celle qui fait beaucoup d'enfants. Bikral, vous connaissez déjà le sang de Bikr. Vierge. Zat Jamali. Celle qui est dotée de beauté. Wa hasabin. Et aussi de famille. Famille, elle a de bonnes familles. Ou bien des familles qui sont nobles. Wa din. Et de religion. Celle qui est dotée de din. Wa malin. Et celle aussi qui a l'argent. Mais bien. Ici, le cheikh Al-Imam Shawkani. Je ne veux pas dire qu'il faut trouver toutes ces caractéristiques chez une femme. Sinon, vous allez chercher. Hein? Mais celui qui a eu toutes ces caractéristiques à une femme, alors il a eu un grand bien. Premièrement, Al-Wadoud. Al-Mutahabbiba ila Zawdiha. Celle qui fait l'effort d'attirer l'amour de son époux. Les femmes, elles sont dotées de plans. C'est-à-dire qu'elles ont fini les plans. N'est-ce pas? Allah dit, « Nakaïda kunna azim. » Elles ont beaucoup de stratégies, n'est-ce pas? Mais malheureusement, elles ne mettent pas ces stratégies-là dans le bien. Si elle n'est pas en train de faire stratégie pour que tu détestes l'une de tes femmes, elle est en train de faire stratégie pour qu'en tout cas, elle puisse te commander à la maison. C'est-à-dire, n'a pas attendu la nafsi avakat. C'est elle qui regarde son nom. Pourtant ici, quand une femme, elle est maligne, elle a des stratégies, elle met cela dans le bien. Elle fait toutes ces stratégies-là pour que l'homme l'aime. Ça va? Elles sont très fortes dans ça. Quand l'homme il arrive à la maison, elle met des stratégies. Atakuna wadoudan. Tu sois wadoud. Affectionné, attentionné avec ton époux. Donc, voici l'une des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de chercher en une femme. Allah nous accorde cela. المتحبب الى زوجها بالكلام الطيب avec la bonne parole الجميل وبالخدمة et qu'elle soit au service de son époux والعشرة الحسنة et la bonne cohabitation طيب voilà ce qui est recherché dans celle qu'on appelle الودود affectionné, attentionné, qui sort de bonnes paroles dans la bouche, hein, et aussi qui sourit, bewadhin munbasit, avec un visage radieux, hein, même lorsque l'homme est en colère, elle sait comment le maîtriser, elle sait quel acte il faut poser. Non. Al-Walud ici, c'est la femme qui est Kathiratul Aulad. Al-Wilad. Kathiratul Wilad. La femme qui fait beaucoup d'enfants. Il y en a beaucoup d'accouchements. Ça va, celle qui est fertile. La femme fertile. Al-Bikru. Celle dont personne n'a consommé le mariage avec elle. Ça va? Pourquoi ici, c'est précis? Parce que quelqu'un peut marier une femme et n'a pas fait le dukhul sur elle. Et ensuite, il la divorce. C'est-à-dire, il ne l'a pas touché. Il a divorcé. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas une bikra? Hein? C'est une bikra parce qu'elle n'a pas connu l'homme. Elle est vierge. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui est la bikra. Zatul Jamali. Et celle qui est belle, Al-Jamila. Celle qui est belle. Voilà. Et ce côté ici, c'est d'une personne à une autre. N'est-ce pas? Zatul Hasab. Sahibatu Asharaf. Celle qui est noblesse. Bil Aba, par ses pères. Wal Aqarib et ses proches. Ensuite, Zatul Din. Celle qui a la religion, muslimatun ta'i'atun lillah, celle qui est musulmane et obéissante à Allah. Wal mal, le chef dit wal mal, ma'rufun la yajalu ahad. Hein? C'est connu, personne n'ignore ça. Quand on dit mal, tu connais mal, non? Quand tu sors le matin, tu rentres le soir, c'est mal qui t'en va chercher, n'est-ce pas? Nam Saïd. Nam, Sana Razali Kanishallah. On va voir ça ici. Comment connaître si elle fait beaucoup d'enfants, c'est-à-dire elle est fertile. Alors le Cheikh dit Faïda Zofara Rajul Bimara Adil, Jama'at Adil Awsafi Kullaha. Si l'homme gagne une épouse qui a rassemblé tous ses attributs, description, fa khayrun ala khayr, c'est un grand bien. Yannahu sayahsulu min wara'iha, car il obtiendra derrière cela ala khayri dunya wal akhira, le bien de la dunya et de l'au-delà. Wa illa falyakhudh zat ad-din, sinon qu'il prenne celle qui a la religion, wa yuqaddimuha ala ghayriha, et qu'il devance cela sur autre. لأنها هي التي ستعينه. Car c'est cette femme qui a la religion qui va l'aider à la amri di dunya wal akhira. Si son affaire est la dunya et de l'au-delà. Le Qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Tunkahu al-mar'atu li arba. On épouse une femme pour quatre choses. Li maliha, pour son bien. Wa li hisabiha, pour sa famille, wa jamaliha pour sa beauté, wa lidiniha et pour sa religion. Il a dit fadfar bidati ad-din daribat yadak, c'est-à-dire cherche à gagner celle qui a la religion. Taribat yadak ici c'est il tasaqat yadak bitturah, c'est-à-dire ta main va se couler au sable, min al-faqr. Les Arabes, à cause de la pauvreté, les Arabes utilisaient sa main, c'est venu dans le sens du axe aujourd'hui. C'est comme tes mains éviteront de se salir. Bimana, tu n'auras pas fait beaucoup d'efforts. Masalan, si tu as une femme qui n'a pas le dit, tu auras éduqué deux personnes à la maison. N'est-ce pas? Éduquer cette femme, ensuite chercher à éduquer les enfants. Mais les deux ne pourront pas réussir. Et tu auras beaucoup de difficultés. Vous comprenez? Ici, quand on dit celle qui a le dit, il faut mieux comprendre cet aspect-là. Celle qui fait ses cinq prières et qui n'apprend pas sa religion, qui est là comme ça. Ce n'est pas seulement de celle-là qu'on parle. Ici, muslimatun wa ta'i'atun lillah. Celle qui obéit à son Seigneur, qui a la crainte d'Allah. Qui obéit à son époux, qui préserve la maison de son époux. Qui ne lui tape pas dans le dos. C'est de celle-là qu'on parle. Et c'est très rare à notre époque. Malheureusement, je ne dis pas nos sœurs, alhamdoulilah, elles font des efforts. Mais ce type de femme qui elle va t'obéir, elle va craindre Allah à ton absence. Elle va éduquer tes enfants comme il se doit. Elle va t'aider dans ton dîme. Lorsque tu es faible, elle va te conseiller. Qu'Allah accorde cela à nos sœurs. Mais ce n'est pas facile. Souvent, il y a certains frères, ils se basent seulement sur la femme qui est mutahajjiba. Tant qu'elle porte le voile, pour eux, khalas, la piété est là. Il faut comprendre que, et j'ai toujours dit cela, le voile, c'est une obligation d'Allah, c'est une forme de porte, alhamdulillah. Mais ça ne justifie pas son comportement et son tadayoun, et sa religiosité, et sa crainte d'Allah. Ça ne justifie pas cela. Le voile ne justifie pas cela. Il faut chercher à savoir, est-ce que celle-là, sa religion, elle apprend au sérieux? Est-ce qu'elle craint son Seigneur? Est-ce que c'est une femme qui peut t'aider? C'est une femme qui peut réellement être ta moitié. Bimana va t'aider dans ton deal. Est-ce que c'est une femme qui peut faire cela? Qu'Allah fasse que notre femme soit de cette manière. Il for, ou pas for, aïfous bisohibati din. Gagne celle qui a la religion. Li anna yalleti tu'inuka. Car c'est elle qui va t'aider à la dinika sur ta religion. Wadouniak et ta dunia. Qu'Allah nous accorde ces femmes. Mais j'ai un conseil à vous donner. Si vous voyez une femme qui, c'est vous qui faites l'effort sur elle, c'est-à-dire Mazalan, il y a une soeur que tu veux marier. La soeur n'était pas mutahajjiba. Mais il dit à cause de toi, elle va porter le voile. À cause de toi. Et elle va le faire à cause de toi. Ou bien, des frères qui savent que cette soeur, elle n'est pas mutahajjiba. Elle n'est pas une soeur qui a accroché au djinn. Mais par amour pour le faire, elle se met dans ce contexte. Si vous sentez cela en une femme, ne la prenez pas. Car, en réalité, cette femme, elle va présenter la crainte d'Allah parce que tu es là aujourd'hui. Mais le jour où tu n'es pas là, ou bien le jour où tu la libères, il y a un problème entre vous, vous verrez qu'elle va jeter ce voile derrière elle. Elle va jeter même la pratique de son dîme derrière elle. Parce qu'elle ne l'a pas fait pour toi. Quand on te dit fasse par bidat de dîme, va derrière celle qui a déjà ses convictions. Dans le dîme. Qui est outil à déjà. Qui comprend la religion déjà. Qui obéit à Allah. Pas celle que tu auras besoin de faire des efforts sur elle. C'est très important. Parce que ces efforts peuvent réussir comme échouer. C'est entre les deux. Comme le dit le cheikh ici, c'est elle qui craint Allah elle-même. Elle craint Allah ton sujet. C'est-à-dire, lorsque tu lui ordonnes quelque chose, elle ne le fait pas parce que toi tu lui as ordonné, mais elle le fait parce que c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a ordonné de t'obéir. Et par cela, il y a tahtasim, elle recherche derrière cela les récompenses venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette femme-là, si tu l'obtiens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce comportement à nos épouses, tu te reposeras en paix. Parce que tu ne vas rien craindre derrière toi. Taribat yadak, ici, il tasabat yadak avec turab min al-faqr. C'est-à-dire, tes deux mains seront collées de sable à cause de la pauvreté. Ali da'watun bil khusran. C'est une invocation contre la personne pour qui il soit perdant. Kana tusta'malu inda al-arab. C'est comme ça qu'on utilisait chez les Arabes. Summa kharajat an ma'ana. Ensuite, c'est sorti de son sens. Ba'la zalika. Après cela, Fasora Tusta Amalu lil Hadi, et maintenant c'est devenu comme une parole qu'on utilise pour inciter à l'alfi'li une action wa targhibuhi, et aussi faire désirer l'action. Wa ta'ajjub wa tanbi, et aussi montrer le caractère merveilleux de l'action et attirer l'attention de cela. Wa mashaba zalik. Amma al-wadud wal-walud. Quant au wadud wal-walud, celle qui est affectionnée et celle qui fait les enfants. Fawarada fiha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venue à ce sujet. Tazawwadu al-waludu al-walud. Al-waduda afwan al-walud. Marier les femmes affectionnées, douces, et les femmes qui font beaucoup d'enfants. Fa inni mukadirum bikum. Car je vais me vanter de votre nombre. Al-Umar devant les autres communautés, Yawm al-Qiyama, le jour de la résurrection. Wa la targhibun fil mar'ati al-mutahabbiba li zawjiha kaseerat al-walad. Alors c'est une incitation à marier la femme qui se fait plaire à son époux et aussi qui fait beaucoup d'enfants. C'est important. Il fait beaucoup d'enfants. Et au jour d'aujourd'hui, Allah Musta'al, nos épouses, elles-mêmes disent non, qu'on ne peut pas faire beaucoup. Que parce que les femmes d'aujourd'hui avec les femmes d'hier, c'est pas pareil. Aujourd'hui, ce qu'on mange, ce qu'ils mangent, c'est que. Tout ça, c'est des spéculations. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le don de faire des enfants, il faut le faire. Il y a des femmes qui ne sont pas al-walud. Mais par contre, il y a des femmes qui sont al-walud. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les facilite. Est-ce que vous comprenez? Ici, on ne parle pas de l'interdiction de mettre une distance entre les hommes. Ici, on parle de dire que je ne veux pas faire d'enfant parce que je pense là. Il a incité à cela. Et c'est parmi les caractéristiques d'une femme. Regardez notre mère Khadija, radiallahu ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui vient à la Sira, il a marié à quel âge? 40 ans. Elle a eu combien d'enfants avec lui? 6. 2 garçons et 4 filles. Vous voyez nos femmes d'aujourd'hui, là, 40 ans, commencer à faire jusqu'à 6 enfants. Hein? C'est pas évident. Pourquoi? Elles vont dire non, je veux me reposer. Pourquoi quitter cette idée de se reposer? Non, je veux me reposer parce que j'ai déjà fait. Et puis il y a d'autres qui disent non, si moi j'ai déjà une fille qui a eu un enfant, là il y a 12 au lit. Ce n'est pas permis pour moi de faire encore un autre enfant. Parce que ma fille a eu un enfant, comment moi je vais avoir un enfant? À nos préserves. La communauté musulmane se vante des autres communautés le jour de Yom Kiyama à cause de leur nombre. Et c'est dans leur nombre que ils ont cette force. Vous comprenez? Et l'idéologie occidentale vient vous dire non, il faut avoir 2 enfants seulement. Et ils font toutes les campagnes dans les villes. Le gars, il a un seul enfant, il peut se tuer pour l'enfant. Et il ne veut plus un autre enfant. Et c'est ce qu'ils appellent le bonheur. Pourtant, sur la réalité, eux-mêmes, souvent, ils font jusqu'à 20, 25 enfants. Mais c'est les Africains, on essaie de leur faire la vague du cerveau. Azawadou, Alouadou, Alouadou. C'est la parole du professeur Asselem. Mariez les femmes qui font beaucoup d'enfants. Et si vous avez beaucoup d'enfants, là, Ishkar, sois seulement un homme pour t'occuper de ces enfants. Fais ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas faire, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te punir pour ça. Hein? Ne calculez pas aussi comme d'autres. Il dit non, si tu es un enfant, d'abord il faut assurer son avenir. Tu ouvres un compte bancaire pour l'enfant et puis tu commences à mettre un peu. Tu dis que ça vaut quelques millions. Là, maintenant, tu fais un programme de deuxième an. Allah nous préserve. Allah nous préserve de l'ignorance. Mais si tu le demandes lui-même, son papa n'a pas fait ça. Son père n'a pas ouvert son compte. Lui, il a fait comme ça pour pouvoir avoir ce qu'il a. Il a coulé les yeux. Maintenant, c'est lui qui doit venir garantir l'avenir d'un enfant d'abord avant de passer à un autre enfant. Donc voilà pourquoi tu trouves, quand il fait le premier enfant, l'enfant peut-être souvent même va atteindre 10 ans, 11 ans. Il est en train de préparer son avenir. Ensuite, maintenant, dès qu'il sait que c'est bon, il va passer à l'autre. Hein? Et si le compte là, c'est-à-dire c'est bloqué, l'argent tu ne peux plus retirer, qu'est-ce qui va se passer? Tu as assuré son avenir. On m'a mis d'abatin fil ordi illa alallahi rizquha. Aucune créature ne marche sur la terre sans que Allah subhanahu wa ta'ala, sa subsistance n'est comme à Allah. Donc toutes ces choses-là ne viennent pas des musulmans. Ça vient de l'idéologie des kuffars. Et voilà quelqu'un qui est la mise des hades. Ne vous tournez pas vers ces choses-là. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des enfants, alors vous donne des épouses qui font des enfants. Non, allez. Qu'Allah la facilite. Ensuite, ici, Rubama Yakul Qa'il. Quelqu'un peut dire, Kaifatu Urafu Al-Bikr, بأنها تنجب كثيرا âme-là. Voilà la question du salut. Si quelqu'un pose la question, il dit, mais comment on peut connaître la femme qui fait beaucoup d'enfants ou la femme qui ne fait pas beaucoup d'enfants? Pendant qu'elle est vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore fait des enfants, donc tu ne sais pas si elle peut être une femme qui va avoir beaucoup d'enfants. Qala ahlul ilm. Les savants disent, tuqasu bi qarinatiha min an-nisa. Tu la compares à ses proches parmi les femmes. Yunzar ila ummiha. On regarde sa mère. Alors, si tu vas dans une famille où la maman elle a fait 20 enfants, elle se. Masha'Allah, c'est que tu as eu ton wallon. Ou bien? Donc, souvent, peut-être pendant la moukaba, tu lui demandes ta maman a combien d'enfants? Hein? C'est permis, non? C'est là, ma maman avait 25 enfants, tu dis, Masha'Allah. C'est ce que tu recherches? La facilité. Wa akhawatuha, et ses sœurs. Wa khalatuha, ses tantes. Tantes maternelles. Wa ammatuha, et ses tantes paternelles. Fa fil ghalib, en général, takunu al-mar'a ka qaribatiha. La femme est comme ses proches. En général, c'est ce que les savants ont dit. Ça va, mais. Ce n'est pas forcément le calcul qui est exact. Ça va? Une femme peut sortir d'une famille alors qu'elle est stérile. Elle ne fait pas d'enfant. Alors que la famille, ils ont beaucoup d'enfants, mais elle ne fait pas d'enfant. C'est une histoire d'organe. Mais ici, généralement, la femme ressemble à ses proches. Généralement. Ça va? Ensuite, qala rahimahullah. وَتُخْتَبُ الْكَبِيرَةُ إِلَى نَفْسِهَا. Nous avons fini cette masala. Ici, c'était quelle masala? يَنْبَغِيَ أَنْ تَكُنَ الْمَرْأَ وَدُودًا وَلُودًا بِكْرًا زَادَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَدِينٍ وَمَالٍ. Donc maintenant, nous avons dans une nouvelle masala. C'est quoi? La femme qu'on demande en mariage. Son approbation. Voyez. Ici, wa tuqtab. Tuqtab, c'est ici, demander en mariage. Al-kabiratu ila nafsiha. C'est-à-dire la femme qui est as-sayyib. As-sayyib, la femme qui est déjà âgée. Ou bien, même si elle n'est pas trop âgée, c'est-à-dire elle comprend déjà les choses. Vous voyez, elle, on lui demande son accord, une parole claire venant d'elle. Maintenant, si quelqu'un vient la demander en mariage, ce n'est pas son wali qui va dire oui, non. C'est à elle-même, on lui demande son accord. Vous voyez? Wal-mu'tabar, ce qui est considéré, husnul rida minha. C'est le fait qu'on obtient un agrément clair venant d'elle, liman kana kuf'an. Pour celui qui est mumasillah, celui qui est pareil à elle. On va voir le kufu ici, ce que ça veut dire. Ça va? Et le cheikh ici, il a envoyé le mot koufou ici, moumassir, celui qui est pareil à cette femme-là, dans le nasab, dans la lignée, dans le dîn, comme les savants ont expliqué. Lakin, la dalil à la hal. Il n'y a pas de preuve sur cela. Voyez, la dalil à la hal. Mais ici, il faut comprendre que Al-Kufu wal-Nazir wal-Musawi, celui qui est pareil, Ayyakuna mislaha musawi allaha bid-di. Dans le chèque, il dit qu'il soit pareil à elle dans le din, dans la religion. Dans la religion. C'est compris? Mais ici, le Kufu qui est utilisé par beaucoup de ulama, c'est dans le sens de qu'il soit pareil à elle dans le nasab. Ça va? Ils apportent des arguments, mais ça ne va pas dans ce sens-là. Mais comme je viens de le dire, il n'y a pas de preuve concernant le charti, il y a de couple. C'est-à-dire la condition qu'il soit pareil dans le nasab. Là, il n'y a pas de short par rapport à cela. Al-kabiratu hiya allati balagat. La femme al-kabira, c'est celle qui atteint l'âge de la puberté. Il y a un aklun todre kubiki ma yunasibuha. Car elle a la raison qui la permet de comprendre ce qui convient à elle, mais wama la yunasibuha, et ce qui ne la convient pas. Donc, quant à celle-là, on vient vers elle. On dit, ah, il y a telle personne qui veut de toi. Qu'est-ce que tu dis? Voyez, qu'est-ce que tu dis? Il faut que ce qu'elle dit soit clair. C'est compris? Soit clair. Voyez, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Aïcha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, elle dit, Fatatun dakhalat alayha. Il y a une femme qui est, une jeune femme qui est venue voir Aïcha. Elle dit, Inna abi zawajani ibn akhi. Mon père m'a donné en mariage au frère, au fils de son frère. Li yarfa bi khasisatahu. Afin qu'il puisse obtenir son objectif. Khasisatahu ici, khasisa c'est ce qui est méprisable. Mais ce qui veut dire ici, ça, yarfa sha'nahu. Il va, yani, il est pauvre, mais par cela, il va s'anoblir. Et il va enlever le caractère méprisable et sa pauvreté. En donnant sa vie à quelqu'un qui est noble. Les gens faisaient cela avant. Lorsqu'il donne sa vie à quelqu'un qui est noble, lui, il obtient par cela une noblesse. Vous comprenez? Donc, et la femme a dit, moi j'ai détesté cela. Aïcha lui a dit, Idrisi hatta ya'ti nabi. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne. Ce hadith est rapporté par Nasa'i ibn Majah, wa huwa hadith sahih. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, fa akhbaratuhu Aïcha. Aïcha l'a informé. Fa arsala ila abiha. Il a envoyé quelqu'un appeler le père de cette femme. Fada'ahu faja'al al-amr ilayha. Et maintenant, il a appelé son père et il a donné maintenant l'affaire c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'affaire à la femme en disant, ça dépend de toi ici. Si tu veux, quitte ce mariage. Si tu veux, tu restes. Alors la femme, elle a dit, « Ya Rasulallah, orde ayestu ma sana'a abi. J'ai autorisé ce que mon père a fait. « Walakin aradtu an a'lama. Mais j'ai voulu savoir, « Hal linnisa'i min al-amri shay. » Est-ce que les femmes ont quelque chose dans l'accord ou non-accord? Ada Dalil, c'est une preuve qui montre que la femme, elle a quelque chose. Si elle est célibre, elle est grande, elle n'est pas bicre. Et même s'il arrive qu'elle est bicre, mais elle a dépassé l'âge de la puberté, alors elle a l'amr fait à sohi à quoi le boulot. Elle a le amr. Soyez, mais c'est celle qui est petite. Comme le cheikh dit ici, Amma Sorirato. Quant à la petite, Fala ma'na li izniha. Il n'y a pas de sens à son accord. Fala tu drakuma yunasibwa. Parce qu'elle ne sait pas ce qui la convient. Wama la yunasibwa. Et ce qui ne la convient pas. Wama fihi maslahatun. C'est dont il y a intérêt. Wama le sa fihi maslahatun la. Et c'est dont il n'y a pas intérêt. Donc, il n'y a pas de considérer son accord, voilà le sakatiha, ni aussi son désaccord. Balil mu'tabar, au contraire, ce qui est considéré, husul ar-ridha min al-kabira, c'est d'obtenir l'agrément, l'accord de celle qui est grande. Bi an tarda bi shakhs, qu'elle agrée la personne, alladhi yakunu kufuwan laha, qui est égal à elle, c'est-à-dire yula imwa, dont elle veut. Avant de rentrer dans Masala d'Al-Kafa'a, je vais juste faire une parenthèse ici. Non? C'est celle qui n'est pas encore puverte. Est-ce que elle, c'est possible de continuer son mariage? Non, si elle arrive. C'est possible. Il y a des femmes, il y a des filles, tu vois, elles sont, l'âge est petit, mais elles sont grandes. Voyez, non. L'islam a autorisé tout cet aspect-là. Ici, le sujet dont il s'agit ici, c'est que la femme qui est déjà grande, pubère, Masalan, elle a déjà 20 ans, plus de 20 ans. C'est son accord qu'on regarde. Et la Bouddha, il est impératif que cet accord-là soit wadihan. Mais on va voir dans d'autres hadiths que celle qui est petite, c'est Masalan, son soukout, soumadoua, son soukout, son silence. Ou bien, il a dahikat. Si elle rit, lorsqu'on lui dit, est-ce que telle personne te... Tu veux épouser telle personne. Si elle rit, ou bien si elle garde le silence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fasukutuha iznuha. Son silence est son accord. Mais faisons la parenthèse ici pour que vous compreniez. En tout cas, c'est une masala shara'iyya. Mais aujourd'hui, les petites filles d'aujourd'hui, là, beaucoup savent déjà ce qui est amour, masala tujima, tous ces trucs. Et cette question a été adressée au chef Bounbaz. Il a dit, si la femme, elle connaît déjà tous ces massages et qu'il n'y a plus de haya, on la laisse choisir. C'est qu'elle veut. Mais c'est son wali qui valide après. Si c'est un bien pour elle ou c'est pas un bien pour elle. Vous comprenez? Parce que le wali, il est au-dessus d'elle pour la conduire vers ce qui est bon pour elle. Voyez? Donc c'est son wali maintenant qui va choisir la finalité. Mais elle peut donner son accord ou bien son désaccord. Moi, c'est là, si tu apportes quelqu'un, tu viens avec quelqu'un. Et puis elle dit non, je ne veux pas cette personne. Ça va? Donc, khalas. Elle dit qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas, donc, khalas. Même si elle n'est pas grande. Mais il a qu'un atout de pour Ashia. Elle comprend les choses. Et elle a aussi des goûts. Alors, on regarde son accord. C'est très important. Ça va? Wal kafa'atul mu'tabar, nam. La question que tu voulais poser. Bon, ici, les Arabes faisaient cela. Mais l'islam n'a pas interdit avec un dalil qui est wadi, qui est clair. Ça va? Notre mère Aïcha, radiallahu anha, elle a été mariée à l'âge de 6 ans. N'est-ce pas? Donc, les Arabes faisaient cela. Et c'est des promesses aussi que les gens faisaient dans le passé. Ils promettent sa fille depuis qu'elle est petite, voilà, jusqu'à l'âge où elle va arriver. Mais comme les Arabes ont dit, même si tu le fais, en fin de compte, arriver, il faut considérer son accord, si elle grandit. Voilà, si elle grandit. Il faut considérer son accord. Mais ce que les parents font aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire, eux ont déjà pris la promesse, l'homme depuis des années, chaque mois, il envoie quelque chose. Il espère qu'on va lui donner sa femme. Chaque mois, il envoie quelque chose. Chaque mois, il envoie quelque chose. Et maintenant, quand l'enfant, maintenant, arrive, le monsieur vient chercher sa femme. La vie d'elle ne veut pas. La bouche qui la commence maintenant, le problème commence. On envoie ses oncles, ses tantes, tous ceux qui sont à l'extérieur, partout, venez lui parler. Elle ne veut pas. C'est une humiliation pour la famille. Donc il faut qu'elle se marie en force. Adama Yadouzou, il dit de l'islam. Ce n'est pas permis dans le dîn. Il faut comprendre ce contexte-là. Voilà pourquoi ce qui est conseillé, c'est de ne pas faire cela. Avant, les gens le faisaient parce que les femmes ne connaissaient pas beaucoup de choses. C'était dans un cadre où les femmes ne rencontraient presque pas même les hommes. Elles étaient de leur côté. Quand les hommes passaient, elles se cachaient, elles se mettaient de leur côté. Ça fait que tous les hommes, pour eux, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles ont des critères. Elles veulent un homme qui est grand, hein, qui n'a pas gros ventre, qui a les tablettes de chocolat. Qui fait gymnastique. Hein? Elles donnent toutes ces descriptions. Bon, ces gens de femmes d'aujourd'hui, ils donnent sa fille à 10 ans à quelqu'un. Et puis la fille grandit jusqu'à 20 ans. Ils pensent qu'elle ne va pas trouver des gens qui lui plaît en dehors de celui-là, surtout s'il vieillit. Il faut comprendre cette masala. Il y a des soeurs qui sont confrontées à ça. Allah Moustah. Qu'Allah les préserve et qu'Allah les aide. Elles sont confrontées à ça. Et les parents veulent forcément que ces soeurs-là marient celui à qui ils ont promis. Et alhamdoulilah, ces soeurs, avant, elles n'avaient pas compris le dîn, mais aujourd'hui elles ont compris le dîn, elles ont compris la sunna. Pourtant, celui à qui on veut lui donner là, c'était Tidjani. Et on lui dit forcément, tu vas te marier à ce monsieur. Ici, c'est son quoi qui est en danger? Sa religion. Il faut comprendre ça. Cela nous aide. Ici, je vais terminer avec une masala et on va rester toujours sur Tukhtabun Kebiratu ila Nafsiha. Vous avez compris? La masala ici, c'est quoi? Ça va rentrer dans notre masala la semaine prochaine. Vous avez compris? Ici, Tukhtabun Kebiratu ila Nafsiha. Cela ne veut pas dire que celle qui est âgée, c'est elle-même qui choisit l'homme qu'elle veut, même si le wali ne voit pas du bien en cet homme. Une précision. C'est compris? Par exemple, si le wali est une personne qui a de bonne moralité, il a la sunna, et qu'une personne vienne, même si cette femme dit qu'elle est d'accord avec cette personne, et que le wali voit que cette personne n'est pas une bonne personne, il n'a pas le bon comportement. Même s'il avait dit, mais il n'a pas le bon comportement, le wali a le droit de refuser. Parce qu'il n'a pas le bon comportement. Parce que la Sourate Al-Zam dit Ataakum man tardawla dinan wa khuluqan. Celui dont vous êtes d'accord avec son, sa religion et son comportement. Mais il a la religion, mais il n'a pas le bon comportement. Vous voyez, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit à une femme, c'est un comportement qui se trouve en d'autres compagnons, tel que par exemple, un qui ne descendait pas son bâton dessus son cou. Est-ce qu'il a conseillé à cette femme de la marier? Là, le wali, il est le responsable. Et c'est lui qui va décider, sauf dans un seul cas. Si le wali, il ne veut pas donner la femme, et on va voir cette masala la semaine prochaine. Il ne veut pas donner la femme à ce monsieur qui a un bon comportement. Il a vérifié, il a un bon, mais lui, il trouve que l'homme-là, il n'est pas beau. Ou bien il n'est pas, il trouve des excuses. On n'est pas de la même famille, on n'est pas du même rang social. Alors, en ce moment, la femme a le droit de trouver quelqu'un d'autre qui va célébrer son mariage, qui va être wali. Et c'est directement le qadi, l'autorité. Et on va voir cette masala la semaine prochaine. Mais il y a une parole qui est venue de certains. Et Allah Moussa, il y a certains qui essaient de défendre ici cela, en disant que si une femme est déjà seyyib, elle n'a pas besoin de wali. Vous comprenez? Elle n'a pas besoin de wali. Et beaucoup d'entre eux se basent sur ce hadith que nous venons de voir, et puis un autre hadith. Qui est quoi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Hadha kalam rasul. C'est-à-dire celle qui est as-sayyib, qui a déjà connu un mariage, ou bien, bon, qui a été divorcée, à la couleur, qui a déjà connu un mariage, qui est une femme qui n'est pas bikr. A déjà connu un homme. Elle est plus en droit d'elle-même que son wali. Donc, ils disent que le hadith montre ici que c'est elle, son accord qu'on regarde et non l'accord. Donc, elle n'a pas besoin de wali. C'est pas une parole qui est correcte. Où vous mettez la parole du professeur Azab? La nikaha illa bin wali. Il n'y a pas de mariage sans wali. Le hadith ici veut dire, elle est plus en droit que son wali de prendre une décision dans ce qui est bien pour elle. Masala, si une femme envoie quelqu'un de la sunna, quelqu'un qui a le bon comportement chez ses wali, et ses wali refusent, elle a le droit de faire son mariage sans eux. Avec la wilaya de l'imam ou bien l'imam d'une mosquée. Ou bien l'autorité si c'est un pays musulman. Car elle est plus en droit d'elle-même que son wali en ce moment. Vous comprenez? Amma al-qawl, du fait que la femme peut se marier sans un wali, alors al-jumhur, ils sont sur le fait que ce zawaj est parti. Sauf khilafan de l'imam Abi Hanifa. Imam Abi Hanifa, il dit son mariage est correct. Lakin la dalil ala kalami. Il n'y a pas de preuve sur sa parole. Et sa parole est une parole qui n'est pas considérée. Il y en a un qawl batil. Limada qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La nikah illa bihi. Non. Wa alaykum. Mana seyyib wal mikra. On a mutaalikum bisin. Soyez celle qui a l'âge avancé. Yadkhulu fi dhalik. Yadkhulu fi seyyib aidon. Lakin mana khas, c'est celle qui a déjà connu un mariage. Ça, c'est le sens spécifique. Mais le sens dans sa généralité, toute femme qui a déjà dépassé l'âge de la puberté jusqu'à monter, nous sommes Marseille. Vous avez compris? Non, mais allez, allez, allez, écoute là. نعم هذا قول يأتي من عند بعض العلماء مفهوم دا أدلة الرضية أدلة الرضية شرح دور الرباهية طيب سيفالي رجالي دا سباب لا ماذا يأتي بمعنى سيء هناك لسانس vient celle qui a déjà et le Cheikh Ali Ramli va parler de cela ici. La semaine prochaine, nous allons voir ça. Ça va? Le mana qui est connu, c'est Seyyib, celle qui a déjà connu un mariage. Maintenant, Bikra, celle qui n'a pas connu d'homme. On peut le dire de cette manière. Elle peut connaître un mariage, mais sans consommer le mariage. Ça va? C'est la mana Bikra. Ça y est? Non. Bikr, tu connais l'homme. Elle l'appelle Zina. Elle a toujours Bikr. Elle n'a pas Bikr dans ce cas. Elle, on n'appelle pas Bikr. Non. Le fils peut prendre la wilaya de sa mère. La wilaya même, si le père ne peut pas être wali, il peut confier la wilaya à quelqu'un. Mais dans la chaîne, après la wilaya du père, c'est pas directement l'oncle. Si le père n'est pas là, c'est le frère de la femme. Ça va? Le frère. Et si le frère de la femme n'est pas là, c'est son fils, si elle a un enfant. Et ensuite, maintenant, on envoie maintenant vers le diad, le grand-père, s'il est là. Tous ceux qui sont plus proches de la femme peuvent être son wali. Parce que ici, la charia regarde ceux qui ont plus d'attention pour cette femme, ceux qui veulent plus de bien pour cette femme. Souvent, les oncles, là, il y a une histoire de vengeance dedans. Et une histoire de jalousie aussi. Voyez? Et c'est ce que nous, on connaît ici. Et d'autres même se vengent. Moi, j'ai déjà vu ça. Ça va? Par exemple, le monsieur, lui, sa fille, quelqu'un est venu gérer sa fille. Comme c'est son frère qui gère. Lui voulait, mais son frère ne voulait pas. Mais c'est son frère qui est wali. Donc, son frère a refusé. Donc quand quelqu'un venait aussi derrière la fille de son frère, c'était lui qui était wali. La personne était pauvre, la personne n'avait rien, la personne aussi avait un mauvais comportement. Il a donné la vie. Il voulait se venger. Donc les histoires de oncle, vraiment ça crée beaucoup de problèmes ici. Ça donne encore la compréhension. Donc, on va s'arrêter. Non. Oui. Va un peu vite, hein. Il est un peu là, il est déjà là. Non. Voilà, donc, ça veut dire. Oui. Est-ce que, dans ce cas-là, si le L'enfant peut être maharam de sa mère. Est-ce que là, le fait qu'il a fait cela, est-ce que ça passe le passé? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, ici, par exemple, il est en Côte d'Ivoire. Voilà. Et là, il veut envoyer sa famille en vacances. Il veut envoyer sa famille en vacances. Maintenant, son fils. Il a 20 ans. Oui. Est-ce que là, en fait. Ce fils peut prendre la place de mahram de la mère. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a 12 ans. Le fils peut être le mahram de sa mère. Il n'y a pas de problème dans le voyage. Non. Barakallahu fikoum. Non. Il y a une question sur le groupe. Bismillah.